La construction de la première étape des polders de l'île de Hongon est achevée fructueusement. Le service inaugural a eu lieu sur place le 6 courant. Y ont pris part Kwak Bom-gi, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés et le personnel du complexe de construction des polders de la province du Pyongan du Nord. Cette création monumentale de la transformation de la nature, construite au bord de la mer de l'Ouest de Corée, est une nouvelle richesse éternelle pour la prospérité de la patrie, fruit de la capacité de se renforcer soi-même et de lutte persévérante de l'héroïque classe ouvrière kim-il-suniste, kim-jong-iliste, engagée dans l'œuvre sacrée patriotique pour élargir la terre de la patrie.